J'ai refusé de partager ma vie de bien d'autres et décidé de consacrer mon existence rien qu'à t'aimer. J'ai fait de toi mon talisman, mon porte-bonheur, mon bébé. Le plus fanatique des amants, pour toi je donnerai ma vie. J'ai refusé tous les trésors que m'offraient bien d'autres corps, pour être à toi jusqu'à la mort, épuisé encore et encore. Et je me fais ton sifflet, je crois que tu en as envie. Être ton amant, ton ami, à ça j'ai dit oui. Ask my love, my love.